France Culture avec philosophie Géraldine Mühlmann. Comment se fabriquent les souvenirs? C'est notre série cette semaine, semaine où le thème des souvenirs est à l'honneur sur France Culture. Aujourd'hui, les souvenirs et l'inconscient, Freud, Bergson et Proust. De la mémoire involontaire, Freud, Bergson et Proust sont d'accord. Qu'il y ait de l'oubli involontaire, ils en conviendraient aussi tous les trois. C'est sur la manière dont tout cela fonctionne qu'ils ont peut-être des points de vue différents. Qu'est-ce qui du passé se retrouve dans nos rêves et qu'est-ce qui est directement accessible à notre vie consciente éveillée? Que peut-on retrouver grâce à l'effort volontaire, délibéré? Et pour le reste, faut-il s'en remettre à la chance, au hasard? Ou bien les ruses de l'inconscient peuvent-elles être un peu découvertes et maîtrisées pour forcer en quelque sorte cet inconscient à nous délivrer ces souvenirs qu'il aime nous cacher? C'est avec ces questions que commence l'aventure de la mémoire, selon ces trois auteurs, Bergson, Freud, Proust. Ils sont rassemblés dans cet épisode parce qu'ils avaient des liens théoriques, parfois complexes, mais aussi des liens familiaux pour ce qui concerne Bergson et Proust. C'est de tout cela que nous allons discuter. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir la psychanalyste Catherine Chabert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'Association psychanalytique de France et professeur émérite des universités. Les références de vos travaux sont données sur le site de notre émission. Et je reçois aussi le philosophe Frédéric Worms. Bonjour. Bonjour, Géraldine. Nos auditeurs vous connaissent parfaitement puisque vous proposez chaque jour votre chronique, le pourquoi du commun, en fin d'émission. Aujourd'hui, votre chronique ne sera disponible qu'en podcast, à l'antenne. Nous vous avons avec nous tout du long de cet épisode consacré aux souvenirs et à l'inconscient. Vous êtes Frédéric Worms, un spécialiste de l'œuvre de Henri Bergson, et vous avez aussi écrit un article intitulé « Le parallèle Bergson-Freud » publié en 2018 dans la revue du Collège de France. Alors je vous propose de commencer notre réflexion avec Proust et l'enjeu des réminiscences. Écoutez la façon dont le penseur André Mauroy parlait de Proust en 1948 dans l'émission Les Grandes Conférences sur la RTF. « Ne pas oublier, écrit-il dans un de ses carnets, qu'il est un motif qui revient dans ma vie plus important que celui de l'amour d'Albertine, c'est le motif de la ressouvenance, matière de toute la vocation artistique. Tasse de thé, arbres en promenade, clochers, etc. Et qu'est-ce qu'il veut dire par tasse de thé? Eh bien, c'est l'épisode illustre de la petite Madeleine dans le thé. Un jour, plongeant une petite Madeleine dans une tasse de thé, à l'instant où la gorgée mêlée des miettes du gâteau touche son palais, il tressaille, attentif à quelque chose d'extraordinaire qui se passe en lui. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour en me remplissant d'une essence précieuse. Ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Et tout d'un coup, comme il cherche et comme il poursuit cette sensation en lui, tout d'un coup un souvenir lui apparaît, celle du petit morceau de Madeleine que le dimanche matin, quand il était enfant, sa tante Léonie lui offrait après l'avoir trempé dans une infusion de thé ou de tilleul. Quand d'un passé ancien, rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, plus frêle, mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. C'est joli, non, cette prose, cette façon à la fois de lire et de commenter Proust. On pourrait écouter ça des heures, hein, Catherine Chabert. Absolument. Oui, alors je vais me tourner d'abord vers Frédéric Worms pour essayer d'analyser ce qui est dit là. En fait, je me pose des questions. Est-ce que vraiment la mémoire involontaire proustienne est le fruit du hasard des sensations olfactives, gustatives, auditives, etc. Est-ce que le propos souterrain de la recherche du temps perdu n'est pas qu'en réalité, c'est le travail de l'écriture qui fait remonter les souvenirs ? Non, je crois qu'il y a vraiment une thèse de fond et ouais. que la littérature est aussi évidemment essentielle, mais comme la réponse de Proust à cette thèse de fond, à ce problème en fait un peu commun quand même avec en effet Bergson et Freud. Le problème est commun, mais la réponse n'est pas la même. Et d'ailleurs, c'est pour ça que chez Proust, ça passe par la littérature, parce que chez Proust, la mémoire est tellement involontaire finalement, elle est tellement peu capable d'être ramené par la volonté, qui est quelque chose de très à la surface de nous-mêmes, qu'elle arrive totalement, de manière totalement inattendue, et qu'il faut raconter cela dans un récit plutôt que de chercher à le produire, soit par une thérapie, soit par la philosophie, comme un problème oui. général. Donc c'est très cohérent au fond. C'est tellement involontaire qu'on ne peut que le raconter comme une expérience. Et le problème commun, c'est plutôt la source de l'oubli en fait. C'est que chez les trois, oui, Bergson, Freud et Proust, oui. dans cette période très proche dans le temps, hein, des petits décalages, Proust est plus jeune que les deux autres, mais les trois, c'est plutôt la source de l'oubli. L'oubli, c'est la vie. C'est le besoin de vivre au présent, c'est l'action, la réalité, dira peut-être Freud, je ne sais pas si Catherine Chabert sera d'accord, l'action chez Bergson, l'habitude aussi chez Proust, qui font qu'on ne se souvient pas de tout. Mais en droit, on devrait. Et quand les souvenirs reviennent chez Proust, il y a ce miracle, parce que la vie est tellement puissante qu'elle nous entraîne loin du passé, il y a ce miracle et il y a aussi cette culpabilité. Qui a été bien raconté par André Mauroy, dont le style évoque un peu Proust, mais je dirais Proust un peu stylisé, quoi. Enfin, chez Proust, c'est plus fort, c'est plus dur. Et en fait, dans Les Intermittences du cœur, qui est le texte originaire de La Recherche du Temps Perdu, Les Intermittences du cœur, c'est vraiment aussi une culpabilité que ressent le narrateur, parce qu'il a oublié, il y a un détail, les lacets de sa chaussure qui lui rappellent sa grand-mère, et comment ai-je pu l'oublier, elle qui était si importante pour moi. Donc en fait, c'est tellement rare que ça ne revient pas méthodiquement, mais c'est tellement profond que ça revient avec une subjectivité un peu morale, coupable, et là, c'est là que, d'un côté, il a son oncle par alliance Bergson, mais il tend vers Freud, plutôt vers par cet angle de culpabilité. Et la mémoire de la grand-mère, par exemple, tout à coup revient avec une grand-mère malade à la fin qui elle-même est frappée par ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui Alzheimer. Et il a cette culpabilité du souvenir involontaire qui est d'une profondeur vitale. Et la littérature, oui, c'est la réponse, mais en même temps un problème qui est profondément, je dirais, vital, qui est ni philosophique au sens de la discipline, ni littéraire, mais vraiment un vrai problème existentiel. Catherine Chabert. Je suis pas complètement d'accord avec vous en ce qui concerne la dimension éventuellement freudienne du retour des souvenirs de. Non, j'ai pas dit ça d'ailleurs. Je pense qu'il y a une dimension par où il se touche. Absolument. Et en particulier, ce qui me paraît quand même très très important, c'est ce que vous avez évoqué, Géraldine, à savoir que quand le souvenir advient, c'est à partir de l'expérience d'une sensation, d'une impression vive. Qui au départ est coupé de représentations et de souvenirs, mais qui, alors par ce que en analyse on appelle la voix associative, convoque en quelque sorte très progressivement les souvenirs. Et là où je rejoins absolument Frédéric du côté de l'oubli, c'est que en effet il y a peut-être quelque chose de la culpabilité qui fait que certains souvenirs sont oubliés. Mais quant à il y a quand même une dimension, moi, qui me paraît commune, alors, pour le coup, même si elle est distincte, c'est que je crois quand même que quand on écrit pour soi, mais on écrit aussi pour les autres. Et c'est la dimension d'adresse qui fait venir, en quelque sorte, à la fois le réveil de la sensation de la madeleine dans la tasse de thé, et qui associe. Moi, je crois qu'il y a une vertu associative de l'écriture. Moi, je crois aussi, parce que par exemple, on va prendre un petit exemple quand même qui n'est pas forcément le plus donné. Quand Marcel se rappelle l'apparition de Gilberte, rappelez-vous, dans Les Aubépines, dans le premier tome de la recherche, il l'associe immédiatement avec ce moment juste antérieur où au milieu de ses aubépines, donc blanches par définition, il voit apparaître une épine rose. Et donc Gilberte, pour toujours, sera celle qui évoque l'irruption du rose dans le blanc, etc., etc. Et on peut dire que pour toujours, dès qu'apparaît quelque chose étonnamment, Gilberte refait surface. Ça, c'est l'écriture qui fabrique cette chaîne qui permet de remonter au passé. Je ne suis pas sûre que ce soit naturel à l'individu qui ne fait pas la démarche d'écriture proustienne, et c'est-à-dire à peu près tout le monde, puisque Proust est quand même assez unique. Frédéric Worms. En fait, bien sûr, pourquoi est-ce que c'est la littérature selon Proust ? C'est justement peut-être parce que, ce que disait Catherine Chavert, Proust le pratique, mais n'en ferait pas une méthode. C'est-à-dire que la découverte freudienne, qui est de dire on va faire revenir le passé, surtout le passé refoulé, par une méthode qui serait l'association libre, qui n'est pas celle de notre vie ordinaire. Dans notre vie ordinaire, nous sommes pris par l'action, nous sommes coincés aussi, pris dans nos associations non libres, en fait, dans des associations un petit peu contraintes, disons, par opposition. Et la méthode de l'analyse, c'est d'ouvrir un espace d'association qui n'est contraint par rien a priori et où reviennent des choses. Voilà. Mais Proust, lui, je pense que ça lui suffirait pas. Ça lui suffirait pas parce que, d'une certaine façon, la méthode de l'association libre nous laisserait sûrement encore à la surface de nous-mêmes. Il se méfiait de toute méthode générale. Et donc, il faut de l'involontaire absolu. Alors, c'est peut-être, Freud pourrait l'analyser comme, voilà, là aussi, à quoi résiste peut-être Proust, quand il présuppose ça. Mais c'est des événements qu'il décrit comme tellement exceptionnels qu'il faut tout le cadre de la comédie humaine, de la recherche du temps perdu, toute la société, toute la méchanceté, toute l'indifférence, toute la puissance aussi de l'amour et de tas de choses pour montrer pourquoi, au fond, tout ça est si rare. Oui. Et après, c'est unique, oui, et donc il faut la littérature. Et vous pensez, vous, Catherine Chabert, qu'il y a plutôt des similitudes ou plutôt des différences importantes entre l'association d'idées, les liens incessants faits par Proust dans son passé et l'association d'idées faite sur le divan d'un analyste, par exemple, sur votre divan? Il y a peut-être des liens, mais c'est quand même extrêmement difficile de superposer les deux mouvements. Dans la mesure où parler et écrire, c'est pas du tout la même chose. Et que, enfin, je ne sais pas, mais j'imagine quand même que Proust n'écrivait pas d'une traite. Et vous, par exemple, quand vous écrivez, ça vous fait penser à ce qui se passe en analyse, que ce soit votre analyse ou celle de vos analysants ? Oui, il y a quelque chose de cet ordre, avec une dimension quand même particulière, à savoir que à la fois je suis complètement plongée dans ce que je suis en train d'écrire, d'autant que moi je travaille énormément à partir de la clinique des cures, donc des mots. Mais en même temps, je n'écris pas d'un trait, ou alors si j'ai un premier texte, mais alors après je le revois un nombre de fois très conséquent, comme s'il fallait en effet que les mots soient justes, quoi. Mais il y a une différence quand même aussi, quand Frédéric disait tout à l'heure à propos de Proust que la dimension était existentielle, je suis d'accord, et de ce côté-là, on rejoint l'analyse, il y a quelque chose d'existentiel. Sauf que je suis pas sûre que Proust, enfin je pense d'ailleurs que non, ait cherché à apaiser sa souffrance en écrivant. Je crois même qu'il devait y tenir énormément, que c'était peut-être la source même de son épuisement ultime, mais aussi de la mobilisation de son envie d'écrire, quoi. Alors qu'en général, on peut imaginer, même si les résultats ne sont pas à la mesure de nos attentes, qu'il y a quand même l'idée qu'il faudrait moins souffrir quand on s'engage dans une analyse. Il faut aller mieux. Alors je vous propose qu'on parle de Bergson maintenant, parce que je ne m'étais pas rendu compte, avant de vous lire Frédéric Worms, que Bergson était à ce point une présence dans la recherche pour Proust. Alors, ils avaient des liens familiaux, si j'ai bien compris. Le jeune Marcel était le petit cousin de Bergson, parce que Bergson avait épousé en 1892 Louise Neuburger, qui était ou Neuburger, je ne sais pas comment on dit en français, qui était la cousine germaine de Jeanne Weil, la mère de Proust. Le jeune Marcel a été garçon d'honneur au mariage de Bergson. Il y a peut-être d'autres liens encore. Juste pour qu'on comprenne, quand vous dites que Bergson plane sur la recherche, est-ce que ce serait pour essayer de montrer du côté de Proust que Bergson avait raison sur beaucoup de choses concernant la mémoire, ou au contraire, pour lui répondre, pour inventer une autre manière de se souvenir que celle qu'il avait lue chez Bergson? Les deux, en fait, les deux, parce que c'est vrai que Proust découvre tout seul sa propre question, bien sûr, hein, mais il sait quand il centre son travail d'écriture sur les intermittences du cœur, sur la question de la mémoire, il sait qu'il y a en effet l'ombre de Bergson, l'effigie du moment, dit-il dans la dédicace incroyable qu'il fait de la recherche du temps perdu à son oncle par alliance, effectivement. Et il sait qu'il partage le même problème, mais qu'ils sont évidemment opposés sur la même solution. C'est vraiment la manière dont moi je présenterais les choses. Quel problème et quelle solution pour Bergson? Le problème des trois. Oui, d'accord. Le problème des trois, c'est de... Freud de, aussi. Donc. Oui, je pense. Enfin, moi, c'est comme ça que je les lirai ensemble. Après, avec les grandes différences, les incompatibilités, même les conflits dans les réponses. C'est vrai. Le problème des trois, c'est d'expliquer un mécanisme vital qui, à la fois, bloque les souvenirs, alors même qu'ils sont présents. Ils n'ont pas disparu. C'est la double thèse. Ils disparaissent de notre conscience, mais pas de notre être. D'accord. Donc il y a quelque chose qui les refoule, et c'est la vie pour les trois. C'est vraiment le besoin vital. L'un l'appelle habitude, l'autre l'appelle réalité, le principe de réalité, et qui fait qu'on est obligé de sélectionner nos souvenirs. Donc ça, et Proust sait que Bergson a dit ça. Après, la thèse de Bergson sur la persistance de la mémoire, sur le fait qu'on peut la convoquer quand même volontairement, même que chez Bergson, c'est par la volonté qu'on la convoque. Ah oui. De plus en plus profondément, on peut toujours la convoquer dans le présent pour une action de plus en plus réfléchie. Bah, cette thèse-là, il la refuse. Oui. Mais et puis il y a la question du temps, en plus. Le fait de mettre tout notre être sous le signe du temps. D'un temps qui passe, mais qui se conserve, et qui en même temps est un temps vital, et qui nous contraint comme être vivant. Alors je vous propose qu'on aille un peu plus loin concernant Bergson en lisant, en écoutant, puisque c'est Riad Kera de notre équipe qui va le lire, ce texte extrait d'une conférence ou d'un essai qui s'intitule « L'énergie spirituelle » de Bergson. C'est un texte, je ne sais pas bien quelle est sa date, je sais que les essais et conférences ont été publiés en 1919. Alors Frédéric le recueil Worms. S'intitule « L'énergie spirituelle » est publié en 1919, mais c'est tiré d'un article sur le rêve de 1901. Donc c'est la fameuse conférence sur le rêve, en fait, et c'est le même texte. D'accord. Il rajoute une note après coup pour dire oui, entre-temps, il y a un certain Freud qui a écrit des choses. J'ai pas eu le temps d'en tenir compte, mais je sais que donc, ça existe. Ce texte, c'est 1901 la date, merci beaucoup. On écoute cet extrait. Derrière les souvenirs qui viennent se poser ainsi sur notre occupation présente et se révéler au moyen d'elle, il y en a d'autres, des milliers, et des milliers d'autres en bas, au-dessous de la scène illuminée par la conscience. Oui, je crois que notre vie passée est là, conservée jusque dans ses moindres détails, et que nous n'oublions rien, et que tout ce que nous avons perçu, pensé, voulu, depuis le premier éveil de notre conscience, persiste indéfiniment. Mais les souvenirs que ma mémoire conserve ainsi, dans ses plus obscures profondeurs, y sont à l'état de fantômes invisibles. Ils aspirent peut-être à la lumière. Ils n'essaient pourtant pas d'y remonter. Ils savent que c'est impossible et que moi, être vivant et agissant, j'ai autre chose à faire que de m'occuper d'eux. Mais supposez qu'à un moment donné, je me désintéresse de la situation présente, de l'action pressante. Supposez, en d'autres termes, que je m'endorme. Alors, ces souvenirs immobiles sentant que je viens d'écarter l'obstacle, de soulever la trappe qui les maintenait dans le sous-sol de la conscience, se mettent en mouvement. Ils se lèvent, ils s'agitent, ils exécutent, dans la nuit de l'inconscient, une immense danse macabre. Et tous ensemble, ils courent à la porte qui vient de s'entrouvrir. N'essaye pas de remonter, écrit la Bergson. ils savent, ont toujours cette façon de faire parler beaucoup de choses, hein, c'est typique de son style, que j'ai autre chose à faire que de m'occuper d'eux, mais si je me désintéresse d'eux et puis que je vais dans une certaine situation présente, alors à un moment donné, dit-il, tous ensemble, ces souvenirs, ils s'agitent, ils courent à la porte qui vient de s'entrouvrir. Excusez-moi, Frédéric Vorm, en fait, je ne comprends pas. La thèse de Bergson, hein, qui est très proche de celle de Freud, c'est que, en fait, donc nous enregistrons tout ce qui nous arrive. Hein. Il y a d'ailleurs un autre passage du même recueil qui rejoint un autre problème de Freud très, très, très profondément, mais que nous filtrons. Nous filtrons tout ce qui nous arrive en vertu de ce dont nous avons besoin dans l'instant. Le présent est défini par les besoins de notre corps. Donc là, pour cette conversation, ensemble, tous les trois, nous ne sommes pas entièrement dans l'action pressante, sinon il y aurait une urgence totale et nous ne penserions pas à Bergson, Freud, Proust et compagnie. On n'aurait pas le temps, on serait juste dans l'action présente. Oui. Mais quand même, on convoque certains souvenirs, mais ceux qui sont utiles pour notre conversation. Oui. Je ne vous parle pas de mes souvenirs d'enfance, là, tout de suite. Je ne vous parle pas de mes souvenirs d'hier. Mais vous pourriez penser à des émissions de radio que vous avez déjà faites, par exemple. Mais quand même, je filtre par la question que vous m'avez posée. D'accord. Voilà. Donc la thèse de Bergson, c'est donc de la vie présente filtre le passé, qui pourtant est là. Et il y a des souvenirs qu'on filtre définitivement. C'est le refoulé, au fond, on pourrait presque dire nous refoulons. Jusque-là, on peut dire c'est très proche de Freud. Parce qu'il y a une force en nous qui refoule. Voilà. Par contre, là où il y a la différence avec Freud, c'est que pour Bergson, dans ce texte, on voit bien les souvenirs aspire peut-être à la lumière, on n'en sait rien, mais il n'essaie pas d'y remonter. Donc en fait, ce qui va les faire revenir, c'est justement la déconnexion avec l'action. Donc pour Bergson, le rêve, c'est ce moment où je dors et donc j'ai plus d'action pressante. Et tous les souvenirs, du coup, comme il n'y a plus de besoin qui les convoque, qui les filtre, tout peut sortir par le hasard des associations. Et ils ne sont pas filtrés, ils courent comme ça à la porte. Ils sont plus filtrés. C'est là que Bergson est très différent de Freud, sur deux points très différents, mais je parle sous le contrôle de Catherine Chabert. Mais parce que d'abord, le propre de l'inconscient, c'est d'être insignifiant, inutile. L'action définit l'utilité. Donc, et la signification est pragmatique. Donc les souvenirs dans le rêve sortent au hasard de l'insignifiance. Alors que chez Freud, c'est quand même au contraire, c'est lié par un désir qui n'est pas le besoin pratique, mais ça a une fonction. Il y a le désir. Voilà, exactement. Donc là, on voit bien que l'inconscient bergsonien, il est là, il est refoulé par l'action, mais en lui-même, il est défini par le contraire de l'action, par l'inutilité, l'insignifiant. Alors que le souvenir freudien est signifiant au contraire. Il nous dit quelque chose de très important pour nous. Le souvenir refoulé bergsonien est insignifiant. C'est ce que Proust aussi pourrait lui refuser. Donc voilà, nous avons une mémoire complète Chabert, et voilà. C'est l'action qui filtre. Et vous êtes psychanalyste, ça doit vous paraître un peu naïf ce texte de Bergson. Différent en tout cas. Oui, différent parce que en fait, j'avais pas lu le titre quand vous me l'avez envoyé et je me suis dit que je ne reconnaissais pas un texte de Freud. Ah, non, d'accord. Mais il m'intéresse quand même énormément ce texte de Bergson, enfin ce passage en tous les cas, parce que en effet, il est comment dire qu'il y a des milliers et des milliers d'autres en bas probablement. Hein. En revanche, ce qui me paraît quand même problématique, et là je rejoins Frédéric Worms, c'est l'idée que tout à coup, on laisserait de côté la situation présente, et voilà, qu'il viendrait taper à la porte. Et là, moi, il y a une formule qui me laisse assez perplexe, c'est... Alors, ces souvenirs immobiles sont tant que je viens d'écarter l'obstacle, de soulever la trappe qui les maintenait dans le sous-sol de la conscience. Ça, on pourrait penser à Freud, levant la censure, se mettent en mouvement. Ils se lèvent, ils s'agitent, ils exécutent dans la nuit de l'inconscient une immense danse macabre. Ouais. Faut le faire quand même. Je veux dire, de penser que les souvenirs, s'ils émergent, prennent la forme et le mouvement d'une danse macabre. Et surtout, excusez-moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Une danse macabre, ça veut dire quoi? C'est, ils nous hantent, ils nous font peur, c'est organisé, c'est pas organisé, il y a une intention, enfin, J'ai toujours été frappé par cette formule sans jamais, peut-être, avoir le courage de l'affronter, en fait, que fait Catherine Chabert tout de suite. Mmh. Alors, c'est évidemment, la danse macabre, c'est le carnaval des morts dans l'imaginaire médiéval, hein, c'est les fantômes, justement. Et il prend cette image du fantôme, de même que dans un autre texte très important, il parle des fantômes de vivants. Mmh. Il parle aussi du souvenir du présent, un texte très fort, très proche de l'inquiétante étrangeté, en fait. Et donc, il y a ces souvenirs qui, en effet, ne sont plus du côté de la vie au sens de l'action. Ils sont détachés de la vie. Est-ce que ce sont des fantômes parce que, pour revenir à la vie, il faut qu'ils s'insèrent dans notre corps, dans la situation présente. C'est ça, la thèse de Bergson. Ils sont quand même toujours disponibles. On a l'impression qu'à la fois, on est submergé par cette danse macabre, mais on se débrouille très bien avec. Ils sont là, ils sont à notre disposition. C'est ça qui est un peu troublant. Mais surtout, ce que j'entends dans la question aussi de Catherine Schaeffer, c'est on comprend l'idée de Bergson. Hein, dans le rêve, il y a une vie parallèle, déconnectée de la vie active. Pour Bergson, le vrai usage de notre inconscient, c'est dans l'œuvre d'art, par exemple. L'artiste convoque les souvenirs, mais dans une œuvre. Car c'est pas seulement le rêve, dans ce texte. C'est vraiment le rêve. Ah, là, oui. c'est vraiment sur le rêve. C'est vraiment sur le rêve, sur le fait la mémoire volontaire ne peut pas faire ce travail-là. Mémoire volontaire, le souvenir ne va pas venir sous forme de fantômes qui dansent cette danse étrange. Ils vont venir, par exemple, dans l'œuvre littéraire délibérée, justement, ou dans l'œuvre d'art qui exprime toute une personnalité cachée. Mais ce qui est frappant, et c'est vrai, c'est pourquoi danse macabre, au fond, pourquoi est-ce que cette autre vie serait sous le signe de la mort? Ça, j'ai jamais eu le courage de l'affronter, finalement. Et c'est vrai qu'on comprend l'image du fantôme, qui est l'image de la réalité désincarnée, d'une persistance post-witam, en quelque sorte, mais pas post-mortem, justement. Mais pourquoi est-ce que c'est macabre? Je vais vous laisser parler, je vais y réfléchir pendant ce temps. Alors, les souvenirs et l'inconscient, c'est notre sujet ce matin. Nous parlons de Bergson, de Freud et de Proust. Et je suis en compagnie de la psychanalyste Catherine Schaeffer et du philosophe Frédéric Worms. Alors, on a souvent dit que la tradition de la philosophie de la conscience, dont fait quand même partie Bergson, largement, mais dont fait partie aussi tout le courant qu'on appelle la phénoménologie, donc on a un autre épisode cette semaine sur Husserl, et on l'a bien observé chez Husserl, on a souvent dit que ce courant-là en philosophie avait beaucoup de mal avec l'inconscient. Et inversement, que le continent de la psychanalyse, les théories de l'inconscient, sont vraiment un autre monde quoi par rapport à ces théories de la conscience. Bergson essaye de créer un peu des ponts. Il y a de l'inconscient, mais indéniablement, Frédéric Worms, c'est pas l'inconscient freudien. Et franchement, à part ces petites intersections, Catherine Schaeffer, on a l'impression que ça communique mal quand même. Il y a une grande différence par rapport à ce qu'évoquait justement tout à l'heure Frédéric Worms à propos de l'action. Parce que les textes qui ont été choisis là sont des textes qui tournent autour de 1898-1899, mais un peu plus tard, en 1913, Remémoration, Répétition, Perlaboration, c'est un texte absolument formidable sur la question des souvenirs de Freud. Ce sont des textes formidables justement sur la question de la remémoration. Et ce qui est quand même très fortement évoqué chez Freud, c'est que justement, ces souvenirs qui ne sont pas oubliés, qui ne sont pas conscients, mais qui ne disparaissent pas complètement, ils sont écartés, ils sont mis de côté, refoulés. Oui. Mais leur voie d'expression ne passe pas nécessairement d'emblée par les mots. Et par la mise en récit, par exemple, d'un souvenir par des voies associatives. Et justement, comme ils n'ont pas nécessairement cette voie langagière d'accès, ça passe par des actes. Et ce sont des mises en acte de scénarios qui renvoient à ces souvenirs, mais aussi aux fantasmes qui les habitent, et qui sont susceptibles de se répéter sur un mode compulsif dans la vie de tout un chacun. Et ça, la conscience peut franchement passer à côté si elle n'y travaille pas, alors que c'est vrai que les philosophes de la conscience, quand ils invoquent des choses inconscientes, comme Bergson, ils cherchent de la communication, ils n'aiment pas trop imaginer un inconscient qui nous échappe complètement. Il faut s'entendre sur le mot conscience, moi je résiste beaucoup à cette dualité des philosophes de la conscience et des autres qui seraient les philosophes de la science, qui a été construite au XXe siècle en oubliant une chose très importante qui est la vie. Et Bergson, et qui n'est ni conscience ni concept, hein, qui est une expérience subjective qui passe par une forme de conscience et d'inconscient. Et Bergson est un philosophe de la conscience fondé sur la vie. Ouais. C'est pas un pouvoir pur de penser, etc. Et là où il est très proche de Bergson, de Freud, pardon, et de Proust d'ailleurs, c'est que notre conscience en fait est une fonction vitale qui peut d'ailleurs se perdre, hein, qui peut se perdre dans la folie, qui peut se perdre dans le sommeil, qui peut se perdre dans plein de situations. Et la conscience est donc un pouvoir pratique avant tout. Et aussi, on le voit bien ici, puisque la conscience, c'est l'action. Et l'inconscience, c'est l'inaction. Alors, on peut reprocher cette dimension passive du souvenir chez Bergson. Contrairement à la force du désir freudien, qui passe en effet par des mises en acte, et peut-être que, justement, cette question du langage comme manière d'accéder aussi chez Proust et chez Freud, pour le coup, dans ce triangle, c'est qui les va les relier. Bergson ne la voit pas, mais quand même, cette idée que la conscience est non pas un pouvoir abstrait et l'inconscient un mystère, mais un pouvoir vital et bordé par un qui refoule un inconnu, mais qui néanmoins est forcément existant et vital ou mortel. Ben oui, ça, il le partage avec les philosophes de la vie. Donc, oublions la conscience pure, parce que, bon, vous êtes, parlons de penseurs de la vie. Et là, on est entre vie et mort, chez l'un et chez l'autre. Il y a eu des grandes fâcheries, quoi. Enfin, je veux dire, Politzer, qui était un né en Hongrie et qui a étudié un petit peu dans les séminaires de la Société psychanalytique de Vienne. Il est né en 1903. Il a connu Freud, il a connu Ferenczi. Ensuite, il va venir à Paris en 1921, il va devenir Marx. Bon, résistant, fusillé en 42, etc., est un personnage qui considérait que les philosophes de la conscience du genre Bergson ne comprenaient rien à tout ce qui lui l'intéressait. Il a écrit un texte en 1929 d'une violence bien connue, la fin d'une parade philosophique, le bergsonisme. Autrement dit, quand on bosse sur Freud et sur Marx, Bergson, on met ça de côté. Vous en avez marre de ça, Frédéric Ferriand, ça suffit, c'est dichotomie. Alors, Politzer est quelqu'un de très important, et merci de l'avoir mentionné ici, je vais être très rapide, hein, Georges Politzer. Donc, avant son livre sur Bergson, il publie un livre sur Freud, en fait, en 1927, un livre majeur, appelé « Critique des fondements de la psychologie ». Oui. Et pour lui, Freud est un mélange de deux thèses, alors que Bergson n'a que la mauvaise, Freud, il a les deux. Et la mauvaise thèse, selon Politzer, sur la subjectivité humaine, c'est une thèse à la troisième personne qui parle de la conscience comme d'un objet, d'une chose, d'une force, etc., et pas dans une expérience personnelle à la première personne. Donc pour lui, Bergson est entièrement dans cette fausse subjectivité réduite à une chose. Alors que chez Freud, il y a les deux, selon lui. Il y a chez Freud un biologiste, qui est l'inconscient comme une pulsion, et ça, Politzer n'en veut pas. Et il y a l'inconscient à la première personne qui se révèle dans le récit individuel. L'inconscient, c'est pas une cause cachée, c'est un sens personnel. Et du coup, il fait un clivage, et il y a la psychanalyse existentielle derrière toute la psychanalyse française et politzerienne, en cette coupure avec la vie. Aujourd'hui, je pense qu'on devrait retrouver la vie et la mort, mais là où il a vraiment raison, c'est cette question de la subjectivité individuelle. Je pense qu'il exagère sur Bergson. Il aurait peut-être pu voir chez Bergson et chez Freud cette relation, mais c'est vrai que c'était coupé, quoi. Ben, et donc, avec vous essayez de retisser... Retrouvons le lien grâce à vous ce matin. Grâce à vous, des liens, enfin, d'après vous, parce que... Je ne suis pas aussi convaincue que vous, mais c'est pas du tout le sujet. Ces liens entre Bergson et Freud. Alors passons à Freud avec un peu plus de sens du détail. Catherine Chabert, c'est la question des mécanismes véritablement, tant de l'oubli que du ressouvenir, qui sont très précis chez Freud. Alors d'abord, il y a la question du refoulement, c'est un mécanisme très précis, parfois simplifié. Je vous propose, pour éviter justement la simplification, d'écouter cet extrait tiré d'un texte de 1899 de Freud sur le mécanisme psychique de l'oubli. Parmi les multiples facteurs qui contribuent à la survenue d'une faiblesse de la mémoire ou d'une défaillance du souvenir, il ne faut pas ignorer la part du refoulement, qui non seulement chez les névrosés mais aussi chez les hommes normaux, peut toutefois être mise en évidence. On a le droit d'affirmer, très globalement, que la facilité avec laquelle nous réveillons dans la mémoire une certaine impression ne dépend pas seulement de la constitution psychique de l'individu, de la force de l'impression à l'époque où elle était récente, de l'intérêt qu'on lui témoigna alors, de la constellation psychique présente, de l'intérêt qui est maintenant porté à son réveil, des connexions dans lesquelles l'impression fut impliquée, etc. mais également du caractère favorable ou défavorable d'un facteur psychique particulier, qui répugnait à reproduire quelque chose pouvant délier du déplaisir, ou dans un second temps, amener à une déliaison de déplaisir. La fonction de la mémoire, que nous représentons volontiers comme des archives ouvertes à tous ceux qui sont avides de savoir, est donc sujette à être endommagée par une tendance de la volonté, tout comme n'importe quelle partie de notre activité orientée vers le monde extérieur. Catherine Chabert, le refoulement chez Freud est-il définitif, une fois qu'il s'est produit ? Ah non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. C'est un mouvement, une opération psychique assez compliquée qui est susceptible de générer un certain nombre d'autres mécanismes de défense. Mais de toute façon, c'est difficile de penser. En tous les cas, quand on travaille dans une perspective, dans les perspectives de la méthode analytique, c'est difficile de penser que le refoulement est une forme de mise à l'écart à la fois définitive. On essaye même de le lever dans la cure, c'est ça ? Oui, bien sûr. Mais pas pour tout, pour les choses qui se sont mal passées. Donc peut-être pas pour le bon refoulement, mais pour le mauvais refoulement, peut-on dire ça ? Je crois pas. D'accord. Je pense j'aime bien vous me disiez non comme ça. Ça fait réfléchir tout ça. Non, je ne pense pas. Je crois pas qu'il y ait un bon refoulement et un mauvais refoulement. Mm-hmm. Je pense que de toute manière, il y a quand même une notion qui est très très importante chez Freud à partir du refoulement, c'est qu'il y a nécessairement ce qu'il appelle. C'est pas très élégant comme formulation. Ça s'appelle les rejetons du refoulement. Ah. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont effectivement mis de côté, mais il y a des éléments qui sont susceptibles d'être préservés en quelque sorte et qui trouvent leur voie de manifestation à travers des transformations, des déformations. Et ça passe à la fois dans les rêves, ces retours. Enfin, le retour du refoulé, c'est quand effectivement les rejetons surviennent. Est-ce que c'est qu'ils, j'insiste quand même, est-ce que ça veut dire qu'ils ont été mal refoulés ? Non, c'est presque le contraire, si vous voulez, parce que bon, si je vais de votre côté et que je parle d'un bon refoulement, je dirais que un bon refoulement, c'est un refoulement qui fonctionne pas complètement, sauf que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de refoulement sans rejetons, sans éléments qui restent comme ça. Donc c'est assez mobile en vérité. C'est très mobile. C'est plastique la vie psychique. Voilà, c'est plastique, c'est pour ça que ça peut bouger dans la cure. Et puis ça dépend aussi des individus. Je crois que la question de l'individu, de la singularité de chacun, elle est quand même absolument essentielle. Donc effectivement, ce sont ces rejetons de l'inconscient et le retour du refoulé dans les traitements analytiques qui permet de se saisir du sens de la signification des rêves et par rapport à notre thème d'aujourd'hui, de se saisir de souvenirs qui arrivent peu à peu, qui ont été refoulés, qui arrivent déformés, transformés, mais qui finalement progressivement nous permettre de retrouver le souvenir perdu et les fantasmes qui s'y cachent. Alors, vous mettez le doigt sur la question des souvenirs tels qu'ils peuvent arriver, alors en thérapie certainement, mais peut-être que ce mécanisme n'est pas uniquement circonscrit à la thérapie, vous me le direz. Il y a notamment un mécanisme étonnant qui s'appelle le phénomène des souvenirs écrans. Alors, pour essayer de comprendre, on va partir d'un exemple que nous avons puisé dans la série En Thérapie, la série française En Thérapie, réalisée par Olivier Nakache et Eric Toledano sur Arte en 2021. Il s'agit là de l'épisode 17 de la première saison où un patient évoque dans le cabinet du psychanalyste une photo de lui enfant avec son père en Algérie. Cette photo a toujours été là, semble-t-il, dans sa vie. Il n'a rien à en dire de plus, quoique, écoutez. J'étais qu'un gosse. Vous aviez 7 ans. Je les connaissais pas. Vous étiez pourtant allé en Algérie. Il y a un secret. Et comme tous les secrets, il est autant mieux gardé qu'il est exposé aux yeux de tous. La photo. Elle a toujours été là, sous mes yeux. Lui et moi. Heureux et souriant. Tellement différent de ce que j'ai connu ensuite. Il y a un concept en psychanalyse qu'on appelle le souvenir écran. C'est quelque chose qu'on met comme un signe à un endroit qui manifeste la présence de quelque chose d'important. Mais parfois, il se cache. parce que c'est trop dur à supporter. Alors on laisse un indice pour pas l'oublier. Ça reste là, à disposition, justement. Vous me suivez? Ça vous parle? Vas-y, continue. Je me permets de vous dire ça à cause de ce que vous avez dit et redit sur cette photo. Qu'elle avait été toujours là, que vous le saviez, mais que c'était comme si vous l'aviez oubliée. Je me demande si elle n'est pas comme un souvenir écran. Elle est là pour faire signe qu'il y a une autre image, comme un pense-bête. Pense-bête pour indiquer quoi? Parlez-moi encore de cette photo. Qu'est-ce qu'il y a autour? Rien, il n'y a que nous. Mais qu'est-ce qu'il y a hors champ? Mais rien, je vous dis, c'est le désert. Dans ce que je veux dire, hors champ de vos souvenirs. Qu'est-ce que vous avez voulu oublier en oubliant l'Algérie? Dites-le-moi, vous. Je ne peux pas. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Bon, c'est l'heure, là, non? Bon, c'est un peu frustrant. On ne sait pas ce qu'il y a derrière le souvenir écran. Hein, c'est... Il y a un côté comme ça, enquête policière dans la psychanalyse, qui là n'a pas tous les résultats. Il y a aussi un autre truc un petit peu énervant, c'est qu'une fois de plus, c'est le côté agacé du patient, qui en a un peu marre de l'insistance de l'analyste, qui semble acter le fait que l'analyste a raison. Bon, c'est un grand classique, ça énerve un peu les gens, parce qu'on se dit, mais bon, même quand ça résiste, c'est le signe qu'ils ont raison. Enfin, c'est, tout ça est un peu bon. Mais justement, j'aimerais bien que vous commentiez avec tous ces aspects cet extrait, Catherine Chabert, et que vous nous expliquiez comment ça se passe, comment ça arrive un souvenir écran, et pourquoi, en effet, souvent, l'analyste a raison. Mais moi, je ne suis pas sûre que l'analyste ait toujours raison. Ce n'est pas la même conception que l'analyste que l'analyste de la série. Parce que, d'abord, bon, je vais essayer d'être bref quand même. Hein. Il utilise quand même beaucoup la suggestion, ce thérapeute-là. Ouais, il pousse comme ça son patient à propos de la photo. Après, il lui donne une explication en lui disant qu'il y a des souvenirs qui... Et l'explication est juste. Il y a des souvenirs qui sont là, mais derrière... d'ailleurs, ce sont des... Alors, le souvenir écran, en général, selon Freud, c'est quand même des souvenirs d'une très, très grande banalité. C'est très banal, c'est insignifiant. On n'y prêterait même pas attention. Alors que là, c'est pas tout à fait la même chose parce que c'est une photo. Et ce qu'il signale chez son patient, c'est certes il a oublié tout ce qu'il y avait autour, mais surtout il voyait pas cette photo qui était juste devant lui. C'est-à-dire, pardonnez-moi la dimension plus technique, mais c'est pas un souvenir écran, c'est un acte manqué. Il y a quelque chose qui est devant vous et Merci vous ne voyez pas. Merci pour cette rectification, c'est un joli cadeau que vous nous faites. Donc peut-être que l'exemple est mauvais, j'adore cette idée, et parce qu'elle vous permet à vous de nous dire qu'un souvenir écran, ça marche un peu autrement. Justement, peut-être qu'il ne s'énerverait pas autant le patient, il serait étonné qu'on lui redemande de parler de quelque chose qui n'avait pas d'importance, il ne serait pas forcément agacé, et alors peut surgir quelque chose qu'il est le premier, lui, à délivrer et qui le stupéfie. Oui, ça le stupéfait. Et puis, il ne faut absolument pas... Je crois qu'on n'en parle pas assez. Quand on parle de l'analyse, on parle toujours de ce qui est difficile, compliqué, douloureux. Alors, c'est vrai que c'est une expérience qui est parfois douloureuse. Mais quand même, le plaisir à associer, le plaisir à se remémorer, de parler à quelqu'un qui est là que pour vous et rien que pour vous, c'est assez formidable. Donc, il y a des souvenirs qui sont extrêmement pénibles à retrouver, mais c'est quand même en présence de l'analyse qui va pas se jeter sur le patient pour le lui interpréter. Mmh. Et puis, il y a aussi des souvenirs délicieux qui sont refoulés, ce qu'on oublie un petit peu trop souvent, et qui est juste un peu... qui peuvent être transformés en expériences désagréables, qui est juste un peu... présent dans le texte de Freud quand il parle de la déliaison du déplaisir. Oui, on va lire le texte, mais je sens que Frédéric Vance voudrait d'abord commenter un peu cet échange qu'on vient d'avoir sur les souvenirs écrans et peut-être aussi, pourquoi pas, cet extrait dans Thérapie. Non, je suis frappé par une chose que Freud a quand même vraiment découvert, même parmi les trois, je pense que c'est le seul à être allé très loin dans cette direction. Et de ce côté, Pulitzer a raison, et je le retrouvais en écoutant Catherine Chabert. C'est l'idée quand même que le souvenir n'est jamais seulement le souvenir de quelque chose, mais toujours le souvenir de quelqu'un. et que c'est même d'abord un souvenir de quelqu'un et non pas de quelque chose. Et c'est vrai que le point commun entre Bergson et même Proust, hein, c'est que c'est la vie nous masque des contenus psychiques, enfin des souvenirs de quelque chose. Par exemple, la petite Madeleine, ça nous masque Combray, qui était quand même présent dans la mémoire du narrateur. Mais pourquoi est-ce que cette importance de Combray dans la vie du narrateur, ça c'est plus compliqué. Et donc c'est vrai que Freud, c'est quand même quelqu'un qui, et c'est là que Politzer a raison, qui situe les souvenirs dans la vie de quelqu'un. Le mot vie change, le mot vie devient une expérience singulière et historique personnelle, avec du plaisir et du déplaisir comme facteur à fond finalement de régulateur, mais surtout le plus important, c'est cette histoire personnelle. Et c'est vrai que expliquer l'oubli par un facteur général, par voilà l'habitude, etc., et pas par des facteurs individuels, c'est une lacune. Et c'est là que Freud vient compléter vraiment Bergson et Proust. Et le fait aussi du côté d'une ambivalence personnelle. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas travailler seulement sur les résistances. Et là, la scène est quand même caricaturale. La scène de thérapie. Moi, je la sentais comme caricaturale sans savoir pourquoi. Et maintenant, j'ai compris. Catherine Chabert nous l'a. Mais je pense quand même que l'ambivalence, la résistance, c'est quand même très important. Et donc, c'est là que je dirais que c'est quand même la vie et la mort, mais dans une vie personnelle. Et vraiment, le fait de dire le souvenir n'est jamais le souvenir de quelque chose seulement, mais de quelqu'un. Et qu'il s'inscrit d'abord dans une histoire, c'est très important parce que dans les thérapies, même un grand traumatisme par exemple, évidemment qu'il est lié à un événement historique, mais un événement historique qui a eu un effet sur une vie individuelle. Alors, et ça, c'est quand même très, très profond. Très profond, bien sûr. Et alors, ce qui est toujours frappant chez Freud, c'est en effet le point que vous évoquiez tout à l'heure, Frédéric Worms, il y a une prétention scientifique nette qui s'exprime dans le souci d'être précis sur les mécanismes psychiques. Il y a un goût de la précision qui est étonnant. Et donc, on va lire maintenant un texte de Freud sur les souvenirs écrans. C'est très précis, c'est écrit en 1899, c'est un mécanisme, à nouveau, comme pour le refoulement. Et on peut lire ce texte dans Névrose, Psychose et Perversion, ce volume de textes rassemblés d'écrits de Freud de 1894 à 1924 aux Presses universitaires de France. Voici un professeur de philologie, dont le premier souvenir, situé entre 3 et 4 ans, lui montrait l'image d'une table mise sur laquelle se trouvait une coupe avec de la glace. À la même époque, avait eu lieu aussi la mort de sa grand-mère qui, au dire de ses parents, a bouleversé l'enfant. Mais celui qui est professeur de philologie ne sait rien de cette mort. Son seul souvenir de cette époque est celui d'une coupe avec de la glace. Il faut d'abord se demander pourquoi c'est justement ce qui est significatif qui est réprimé et l'indifférent qui est conservé. On ne parvient à une explication qu'en pénétrant plus profondément dans le mécanisme de ces deux processus. On en vient alors à cette idée que deux forces psychiques prennent part à la production de ces souvenirs. L'une s'autorise de l'importance de l'expérience vécue pour vouloir s'en souvenir, tandis que l'autre, une résistance, se dresse contre cette mise en évidence. L'issue du conflit est la suivante. Au lieu de l'image mnésique, originairement justifiée, une autre image mnésique survient, qui est partiellement échangée contre la première par déplacement dans l'association. Puisque justement les composantes importantes de l'impression sont celles qui ont choqué, le souvenir substitutif doit être dépourvu de cet élément important. Pour cette raison, il sera volontiers banal. Époque dont se souvient là l'individu évoqué par Freud dans ce texte, époque où il se souvient tout le temps d'une coupe avec de la glace. C'est beaucoup plus intéressant, peut-être parce que c'est beaucoup plus banal, que la photo tout à l'heure évoquée dans l'extrait de En thérapie. Pourquoi, Catherine Chabert, qu'est-ce qui se passe avec cette coupe de glace? Est-ce que sa banalité même n'est pas de nature à susciter de la curiosité? Parce que ce qui est frappant tout à l'heure, c'est que la photo, le patient n'a pas de curiosité, en fait. Il est ennuyé, pour ne pas dire, il est emmerdé par l'insistance du psy. Alors que là, la glace, la coupe de glace, on se dit, bon, tiens, c'est bizarre que je parle de cette coupe de glace. Et finalement, le patient, il va tout seul. Oui, ça me paraît important. Parce que ça vient dire justement, et dans le texte, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas tellement d'associations, c'est juste une association avec la mort de la grand-mère, et rien de plus, parce que, en fait, c'est un exemple qui n'est pas un exemple freudien, c'est un exemple qui est rapporté par Freud dans ce texte, mais qui reprend les travaux de deux psychologues, Victor et Catherine Henry. Donc la méthode freudienne n'est pas du tout appliquée là, à cet exemple de souvenir écran. Et pourtant, il la prend comme exemple du souvenir écran. Absolument. Mais ça, vous parlez de la dimension scientifique de Freud, bon, ça pourrait faire l'objet d'une autre conversation, mais il s'appuie généralement sur d'autres pour pouvoir partir, pour pouvoir partir de l'œuvre des autres et pour développer ce que lui pense. Donc, et c'est quelque chose qu'il a toujours très très à cœur, même dans ses contradictions. Il parle. Alors, la suite de l'article, elle est tout à fait intéressante parce que le jeune universitaire de 38 ans qui se souvient des pissenlits jaunes, c'est Freud. Et que, bon, c'est assez extraordinaire pour nous, parce que il dit pas que c'est lui, bien entendu, et puis il joue le rôle de l'analyste, tout en faisant son auto-analyse. On peut pas reprendre les détails, mais... C'est un grand texte qui prouve qu'il n'y a pas que la science, il y a aussi quelque chose autour de l'écriture, et même de la fiction chez Freud. Absolument. Et on voit de quelle manière, pas à pas, avec un certain nombre d'associations, et Freud qui se parle à lui-même finalement, mais enfin, c'est l'analyse, il arrive à retrouver quelque chose qui a trait à la sexualité, à la mort, puisqu'il dit que finalement, le contenu des souvenirs d'enfance, d'une manière ou d'une autre, reviennent toujours à la sexualité, à la mort, c'est-à-dire à la vie. Bon, il faut quand même dire qu'il y a du transfert, c'est-à-dire que c'est bien ça qu'il a inventé dans la cure, qui n'existe ni chez Bergson, ni chez Proust. Ça fait une énorme différence ou pas tant que ça, Frédéric Worms? Ah oui, c'est une différence majeure, mais ce qui me vient justement, j'avais envie de revenir un instant sur Proust. Il y a des souvenirs qui sont pas écrans chez Proust, mais c'est la vie qui est un écran pour tous les souvenirs importants en fait. Et on voit bien là, par exemple, la tasse de thé. Elle évoque Combray, mais elle avait disparu. C'est pas un souvenir obsessionnel qui cache quelque chose d'important. C'est un souvenir très rare qui révèle quelque chose d'important. Mais alors, peut-être que Freud aurait demandé à Proust pourquoi une tasse de thé, là de même pourquoi là une boule de glace. Et inversement, quand le narrateur refait sa chaussure, c'est un lacet. Il se demande pourquoi ça le trouble. Ça lui rappelle quelque chose. Et là, c'est la mort de sa grand-mère, ou plutôt c'est le souvenir de sa grand-mère dont il avait cruellement oublié la mort. Donc, et donc il y a toujours une mort de grand-mère, et il y a toujours effectivement la sexualité, la mort, y compris dans le lacet de la chaussure. Ce qui est bizarre chez Proust, c'est qu'il y a cette conscience de ces enjeux, de cette danse macabre, encore une fois, de la vie et de la mort en nous, et en même temps, il n'y a pas cette idée que on y résiste. Il y a cette idée que ça nous est caché par un mécanisme général et que des petites fenêtres de lumière vont tomber dans notre vie. Et surtout, faut pas les rater. Leur point commun à tous les trois, c'est de dire ne ratez pas l'entrebâillement, parce que ce soit un souvenir écran ou un souvenir involontaire ou un rêve, en fait, quand même, il y a tout ce qui est important pour nous ne nous est pas tout le temps là, et il faut pas laisser passer les mécanismes de la subjectivité humaine. Je trouve qu'aujourd'hui, on manque à la fois de psychanalyse, de littérature et de philosophie. On vit dans un moment extrêmement grave. De nouveau, on a envie d'oublier la subjectivité. On est dans des problèmes extrêmement graves. Et je voudrais juste, c'est important de recontextualiser par rapport à nous. Il reste la minute pour dire cette chose grave. Je pense que c'est quand même très important de dire « n'oubliez pas la subjectivité ». C'est des trois auteurs qui ont dit ça. Ils vous pensez pas qu'on est dans trop de subjectivité à beaucoup d'égards, déversement émotionnel? Je pense que la subjectivité n'a plus trop de place. D'accord. Parce que les choses sont tellement graves, alors on se dit, bon, ma grand-mère, mes désirs, ma peur de la mort, les traumatismes du passé, les traumatismes du présent, eh bien non, n'attendons pas que les drames du présent deviennent les refoulés de demain. Parlons-en dès maintenant, écrivons, parlons les uns aux autres, c'est fondamental. Je ne peux pas vraiment vous faire répondre, je vous vois acquiescer, Catherine Chabert. Donc je crois nous ouvrirait vers une nouvelle émission, mais j'ai l'impression que vous auriez au moins un point de départ en commun. En tout cas, merci à tous les deux. Et sur ce sujet des souvenirs, évidemment, on a été tenté, et on va le réaliser, de vous faire écouter Pictures of You de The Cure, cette chanson de 1989. Merci Frédéric Worms, merci Catherine Chabert de nous avoir parlé aujourd'hui des souvenirs et de l'inconscient chez Proust, chez Freud, chez Bergson. Les références de vos travaux figurent sur le site d'Avec Philosophie. Vous écoutez pour finir cette émission The Cure, Pictures of You, 1989. J'ai regardé ces photos de toi si longtemps que je crois presque qu'elles sont réelles. J'ai vécu si longtemps avec mes photos de toi que je crois presque que les photos sont tout ce que je peux ressentir. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'appli Radio France ou sur le site de Radio France dans les programmes de France Culture. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Olivier Arnay. Elle a été préparée en particulier par Marine Boudalier et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Anna Feulpin, Chaïma Giboire et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.